l'amour que tu me donnes. Je passe mon temps à bosser, penser. Stratégie, j'apporte de shampoing, champ d'énergie. Du rap en dur, c'est pure sensation, mon hip hop vie. Pour la bonne oreille, ma clique vous part une chose bien assaisonnée. Du vrai son fa dans tous les bacs, un putain de coup organisé. La clique à ma famille, les vraies forces tous réunies. Sous des lits acharnés, de vrais guerriers pour la vie. Le combo, contenant 3, cachette vers Balgo. Roca, Raphaël, Dad, une fois de plus au micro des backflows. Combien de jeunes baignent dans le son de ma clique? Combien de connaisseurs, combien ma démo flip sur mon script? Je représente pour toute la jeunesse. On partage le même stress, le même rêve. Peser un max, rouler en belle caisse. Yeah, yeah, tu vois ce que je veux dire, yo. Pour s'en sortir, assurer notre avenir. Yeah, yo, pour ça. Pour les vrais gars, Bouda, Man et Mac de façon stratégique. Pour ma clique, yo, pour ça. Gaïex pousse le son pour la section camouflage large. Les sons s'étendent dans Paris de bonnes vibrations avec rage. Mon style évolue au sein de la rue. Y'a pas doute là, tu comprends maintenant pourquoi mes paroles sont crues. Je lance une amitié franche à tous mes gars, ceux qui restent vrais, le ton de ma voix tranche. Le système s'enclenche, c'est comme une revanche. Je lâcherai pas l'affaire, je suis là jusqu'au bout. Hey yo, one love, longue vie à mon crew.